طيب خير إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue notre cours sur les règles du mariage dans le livre de Sheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, الملخص الفقهي, كتاب النكاح, le chapitre du mariage. Donc on était en train d'expliquer depuis deux cours, on a commencé le chapitre sur la vie conjugale ou la vie avec les femmes dans le mariage, qu'est-ce qu'on appelle en arabe Aishratun Nisa. Et on était rendu à la partie où le cheikh il dit walahu man'uha min irda' waladiha min ghayrihi illa li darura. Donc, له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. Donc, il dit, il peut l'empêcher de faire allaiter, de faire allaiter son enfant de quelqu'un d'autre, hein, excepté pour une nécessité. Donc, j'imagine que ça, c'est dans le cas où la femme voudrait faire allaiter l'enfant par quelqu'un d'autre, par une autre femme. Alors, s'il ne veut pas qu'une autre femme allaite son enfant, yani, il peut l'empêcher de faire ça, excepté pour une nécessité. Il dit وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ طَاعَةَ أَبَوَيْهَا إِذَا طَلَبَ مِنْهَا فِرَاقَ زَوْجِهَا وَلَا طَاعَتَهُمَا فِي زِيَارَتِهَا لَهُمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا لَا يَرْضَى بِذَلِكَ بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقَّ. Donc il dit que la femme n'a pas à obéir à ses deux parents si ses parents lui demandent de divorcer ou de se séparer de son mari. Elle ne doit pas non plus leur obéir si, par exemple, il lui demande de les visiter alors que son mari n'est pas satisfait de ça. Elle doit donner la priorité à l'obéissance de son mari. Donc la femme, une fois qu'elle est mariée, l'obéissance de son mari a précédence sur l'obéissance de ses parents. Il dit وَقَدْ رَوَى الْإِمَامَ أَحْمَدْ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَمَّةَ حُسَيْنِ أَتَتِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالْ أَذَاتَ زَوْجٍ أَتَتْ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Hein? Donc l'imam Ahmad il a rapporté, hein, et d'autres également, à propos de la tante paternelle de Hussein qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit azatu zawjin anti, hein? C'est-à-dire est-ce que toi t'es l'épouse d'une femme, est-ce que toi t'es l'épouse d'un homme. Et elle a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors regarde où tu en es vis-à-vis de lui, car il est ton paradis et ton enfer. Car il est ton paradis et ton enfer. En voulant dire que si tu lui obéis dans le bien, hein, ça sera une cause pour que tu rentres au paradis. Et si tu lui désobéis dans le bien et que tu n'agis pas comme il faut avec lui, eh bien, hein, ce sera une cause pour te faire entrer en enfer. Donc ton mari, c'est, hein, pour la femme, le mari c'est son paradis et son enfer. Il dit ensuite ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يضع يعني تمييزه لبعضهن عن بعض ميل يضع الأخرى كالمعلقة. Donc le cheikh il explique qu'il est obligatoire au mari, lorsqu'il a plus qu'une épouse, d'être égal entre elles dans la division du temps qu'il leur offre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire, et vivez avec elles de façon convenable, de la bonne façon. Hein? Et ça c'est le verset 19 dans Surat al-Nisa. Et le verset 129 dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans, ne penchez donc pas complètement vers l'une d'elles, de façon à laisser l'autre comme si elle était accrochée ou en suspens. Hein? Donc il y a des hommes parfois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils épousent une femme et puis ils en épousent une autre, puis ils laissent une des deux comme si elle était en suspens. Ils ne vont pas la voir, ils ne s'occupent pas d'elle et des choses de ce genre. Et ça, il n'y a pas de doute que ça, c'est totalement interdit, que c'est haram de faire ça. Donc, soit tu la gardes ou tu la laisses. Mais tu ne vas pas la garder, puis tu la négliges et tu ne t'occupes pas d'elle. Oui, bien entendu, c'est déjà arrivé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était Sauda, radiyallahu anha, qui a donné sa nuit à Aïcha, radiyallahu anha. Donc, je pense que si la femme elle-même, elle accepte de descendre, hein, de laisser certains de ses droits, dans ce cas-là, c'est son droit de faire ça, si elle le veut. Naam. Et le cheikh, il dit ensuite, wa imadul qism al-layl wal-mabit, li'anna al-layl ya'wi fihi l'insan ila manzilihi wa yaskanu ila ahlihi وينام على فراشه مع زوجته عادة ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه فإنه يقسم بين نسائه في النهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. OK, donc le cheikh il explique ici, il dit que la base de la division c'est la nuit et le fait de dormir avec la femme. C'est ça la partie qui est à calculer pour la division entre les épouses. Parce que c'est la nuit que l'homme rentre chez lui. Hein? C'est la nuit que l'homme rentre chez lui en général. Parce que le jour, il est occupé. Il travaille, il va à la mosquée, il va remplir des obligations. Donc le jour, hein, c'est pas ça qui est concerné par la division. Qu'est-ce qui est concerné par la division? C'est la nuit en particulier. Et ça, beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Hein? Elles calculent le jour et la nuit de la même manière. Et le cheikh, il dit ensuite, donc l'homme, il vient chez lui la nuit, il va se reposer auprès de sa famille, dormir sur son lit avec sa femme en général. Et il dit, tandis que la personne qui a son travail, son gagne-pain, il travaille la nuit. Par exemple, il y a des gens, ils ont leur travail la nuit. Ils travaillent la nuit au lieu de travailler le jour. Comme les gardiens de sécurité, par exemple. Al-Haris. Donc, eux, ils travaillent, la nuit, ils travaillent. Hein? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Le cheikh dit, ils vont diviser entre leurs épouses de sa journée. Donc pour lui, la journée aura le même statut que la nuit pour les autres. D'accord ? Parce que lui, il travaille la nuit. Donc son jour sera la nuit pour ses femmes. Il dit ensuite wa yuqassimu lil ha'id wan nufasa min zawjatihi wal marida li'anna al qasd as sakan wal unus wa dhalika yahsulu bimabitihi 'indaha walaw lam yata. Donc il dit le cheikh qu'il doit également donner la part à ces femmes qui ont leurs règles ou qui sont dans leur période de post-natal, par exemple, qui ont des écoulements après l'accouchement. Il doit quand même leur donner leur nuit. Il doit quand même leur donner leur nuit, même si elles ont leur période de menstrue ou bien les écoulements après l'accouchement. Et également, s'il a une épouse, par exemple, qui est malade, il doit également donner à sa femme qui est malade son jour, sa nuit. Pourquoi ? Parce que le but et l'objectif, c'est de pouvoir vivre avec sa femme, de vivre avec elle en tranquillité et de ressentir l'affection et la proximité. Donc, le fait que la femme il ne puisse pas avoir de rapport intime avec elle, disons, de rapport sexuel, si on veut, avec sa femme, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir dormir chez elle et de lui donner sa nuit. Hein? Et il dit « وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ فِي بِدَيَةِ الْقَسْمِ إِلَّا بِالْقَرْعَةِ أو برضاهن بذلك لأن البداء بها دون غيرها تفضيل لها والتسوية بينهن واجبة وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه. Ici, le cheikh, il explique un point aussi qui est intéressant et qui est important, c'est qu'il ne doit pas comme débuter les nuits ou la division des nuits avec ses femmes par celles qu'il aime ou celles qu'il préfère, par exemple. Parce qu'il doit être égal entre elles. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tirer au sort pour savoir laquelle, avec quelle il va commencer la division du temps. Et il dit, par exemple, à moins qu'elle soit d'accord ou qu'elle soit satisfaite, que ce soit l'une d'entre elles qui est la première nuit, alors dans ce cas-là, c'est correct. Hein? Elle va dire, par exemple, elles vont dire, oui, nous, on est d'accord que ce soit une telle qui est la première nuit, ça ne nous dérange pas. Donc, dans ce cas-là, c'est correct. Mais par contre, sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer au sort. Il écrit le nom de chaque épouse, par exemple, sur des papiers ou quelque chose comme ça. Puis, il les mélange, puis il tire au sort. Le nom de celle qui sort en premier, c'est elle qui a la première nuit. Hein? Puis il peut tirer au sort pour les autres nuits aussi. Et si par exemple il veut voyager, hein, il veut savoir avec quelle de ses épouses il va voyager. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait, il faisait un tirage au sort entre ses épouses pour savoir laquelle allait sortir avec lui. Donc si il tirait le nom de l'une d'entre elles, c'est avec elle qu'il voyageait. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiallahu anha. Ensuite, il y a un autre chapitre, le chapitre suivant, Babun Bab ma yusqitu nafaqat al-zawja wa qismaha. Ma yusqitu nafaqat al-zawja wa qismaha. Qu'est-ce qui fait que une femme peut perdre sa nafaqa, son allocation et sa division, sa part du temps de son mari, parce qu'il y a certaines choses, par exemple, qui font que lorsque, par exemple, elles ne sont pas respectées ou que les choses sont, il y a certaines choses qui, si elles ne sont pas respectées, la femme, dans ce cas-là, elle n'aura pas droit à l'allocation, elle n'aura pas droit à sa part du temps de son mari. Et on va voir les exemples de ça. Il dit le cheikh, premièrement, al-mar'atu idha safarat bila ithni zawjiha aw safarat bi ithnihi li hajatiha al-khassa biha fa innahu yasqutu haqquha alayhi min qismin wa nafaqah li'annaha in kana safaruha bighayri ithnihi fahiya aasiyatun kan-nashiz wa in kana safaruha bi ithnihi li hajatiha al-khassa فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك فلا نفقت لها لأنها عاصية بذلك ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز. Donc le cheikh, il dit, par exemple, si la femme, elle voyage sans la permission de son mari, ou si elle voyage avec sa permission, mais pour son besoin personnel à elle. Alors dans ce cas-là, le droit de son droit sur son mari tombe, et ainsi que sa part du temps et son allocation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme doit dépenser pour elle. Il dit donc, parce que dans le cas où elle voyage sans la permission de son mari, alors elle est dans le péché, hein? Elle est désobéissante. Donc c'est comme si elle était nashiz. Nashiz, ça veut dire la femme qui dispute son mari, hein? Qui dispute son mari, ou qui se dispute avec son mari, qui désobéit à son mari, qui refuse de lui obéir. Il dit, et si il voyage avec sa permission, elle est désobéissante. Si elle voyage avec sa permission, mais pour son besoin personnel, alors dans ce cas-là, lui, il ne peut pas, il est privé, c'est comme si pendant son absence, il est privé de pouvoir jouir d'elle. Hein? Et ça, c'est à cause de son voyage. Donc ça vient de sa, c'est elle qui est une cause là-dedans. Donc de ce fait-là, il n'a plus l'obligation de lui donner l'allocation ou de lui donner sa part du temps, puisque yani, elle n'est pas là. Et il dit wa min dhalika, et également qu'est-ce qui fait partie de ça, c'est si l'homme voulait que sa femme voyage avec lui mais qu'elle refuse. Par exemple, il dit à sa femme, moi je dois aller à telle place, je veux que tu viennes avec moi. Et elle refuse de venir. Alors dans ce cas-là, il n'a pas d'allocation à lui donner parce qu'elle lui désobéit en refusant. Aussi, il dit, si par exemple la femme refuse de partager le lit de son mari, alors dans ce cas-là également son droit tombe pour l'allocation et pour la division du temps aussi, parce qu'elle est dans la désobéissance dans ce cas-là. Il dit ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة وكذا في نهارها إلا لحاجة. Il dit qu'il est interdit à l'homme d'entrer chez une épouse parmi ses épouses dans une nuit qui n'est pas à lui, qui n'est pas à elle. Dans une nuit qui n'est pas à elle, excepté pour une nécessité. Et de même que durant son jour, hein, excepté pour un besoin. De même que durant son jour, yani, excepté pour un besoin quelconque. Donc, il ne peut pas rentrer chez sa femme pendant la nuit d'une femme que ce n'est pas sa nuit, et le jour, la nuit. Il ne peut pas rentrer, sauf si c'est la nuit de cette femme-là, excepté pour une nécessité. Et le jour, il ne peut pas aller, si ce n'est pas sa journée, excepté pour un besoin. Sinon ça risque de créer des conflits. Hein? Oui. Non, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on calcule pour la division du temps, c'est comme on a dit, la nuit, parce que c'est là qu'il dort et qu'il passe du temps en tranquillité avec sa femme. Tandis que le jour, c'est pas calculé puisqu'il est occupé avec son travail, ses occupations et autres. Mais ça peut arriver que par exemple, il doit passer par exemple à la maison, hein, pour faire quelque chose ou bien pour aider sa femme ou des choses de ce genre. Donc c'est pas quand on dit que c'est pas ça qui est calculé, ça veut pas dire qu'on n'en tient pas compte, hein? Mais ça veut dire que l'obligation c'est dans la nuit en particulier. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit ensuite وَمَنْ وَهَبَتْ قِسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ وَهَبَتْهُ لِلزَّوْجِ فَجَعَلَهُ لزوجة أخرى جاز ذلك لأن الحق في ذلك لهما وقد رضيا بتلك الهبة وقد هبت سوداء رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين وإذا رجعت الواهبة وطالبت قسمها hein, qasam laha az-zawj fi al-mustaqbal. Donc la question que tu m'as posée, là le cheikh il parle de ce point-là. Il dit si une femme par exemple elle fait don de sa nuit à une de ses coépouses avec la permission du mari, ou qu'elle offre à son mari de faire en sorte qu'il puisse aller vers une autre épouse, alors dans ce cas-là c'est permis pour elle de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est leur droit. Donc si elles veulent délaisser ou léguer leur droit à quelqu'un d'autre et qu'elles sont satisfaites de ça, alors elles ont le droit de le faire, hein? Et le mari lui-même, il est satisfait, s'il est satisfait de ça aussi, donc il n'y a pas de mal. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des mères des croyants, Sauda, a donné sa nuit à Aïcha radiallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait deux nuits, il donnait à Aïcha deux nuits parmi ces nuits. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiallahu anha. Et il dit, وَإِذَا رَجَعَتِ الْوَاهِبَةِ. Donc si la femme qui a fait don de sa nuit à une autre de ses coépouses, elle revient sur ça, elle dit finalement maintenant je reprends ma nuit, alors dans ce cas là dans le futur, eh bien le mari il devra lui redonner sa nuit, hein, comme c'était auparavant. Il dit وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَن تُسَامِحْ زَوْجَهَا عَنْ حَقِّهَا في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنهما هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. أي نعم. وسودة حين أسنت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يومي لعائشة. Donc ici, le cheikh dit que si l'époux, par exemple, plutôt, il est permis à l'épouse de permettre à son mari de ne pas venir vers elle. Si elle veut, par exemple, supposons que elle craigne que son mari la divorce et elle ne veut pas que son mari la laisse. Alors elle lui dit, par exemple, je te donne ma nuit pour que tu puisses en faire qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux aller voir la femme que tu veux pendant cette nuit-là et tu n'as pas non plus à me donner d'allocation, hein? Mais par contre, ne me divorce pas. Tu vois? Donc il y a un verset dans le Coran que le cheikh il a cité ici, le verset 128. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. » Donc, c'est-à-dire qu'elle peut faire un compromis avec son mari. Et ici, Aïcha radiallahu anha, elle a expliqué à propos de ce verset que c'est la femme qui est avec un homme, qui est mariée avec un homme, mais yani, disons qu'il n'est pas, il n'est pas trop intéressé par elle et il veut la divorcer. Et elle lui dit, garde-moi, ne me divorce pas, mais tu seras libre de nafaka et tu seras libre de division de ma part de la nuit. Donc si tu veux pas par exemple me faire de nafaka ou donner une nuit pour moi, donc ça va, tu peux la donner à une autre. comme Sauda, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'elle est devenue plus âgée, elle a craint que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se séparer d'elle, elle a dit ma nuit est pour Aïcha radiyallahu anha, et ça c'est rapporté par Abu Daoud dans Kitab al-Nikah, hein? Oui, surat al-Nisa, le verset 128. Et le cheikh il dit ensuite وَمَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا وَمَعَهُ غَيْرَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ بَعْدَ السَّبْعِ وَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهَا وَلَا يَحْتَسِبُ نعم وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا تِلْكَ السَّبْعَ وَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةً ثُمَّ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ وَلَا يُحْتَسَبْ عَلَيْهَا تِلْكَ الثَّلَاثَ لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان. Donc je vais traduire cette partie. Le cheikh il dit que si un homme épouse une fille vierge alors qu'il a d'autres épouses qui sont avec lui, alors il va rester avec cette fille, avec sa femme qui est vierge, qui vient d'épouser, pendant 7 jours. Hein? Il va passer avec elle 7 nuits. Et à la fin de ces 7 nuits, il pourra visiter ces 7 femmes. Dara ala nisa'ihi ba'da saba. Et on va pas compter cette septième nuit, et il va commencer la division ordinaire du temps encore une fois par la suite. Sauf que si c'est une fille qui est une femme qu'il a épousée, qui avait déjà été mariée avant lui, par exemple une veuve ou bien une femme divorcée, hein, alors dans ce cas-là il va lui donner 3 nuits quand il va commencer la vie conjugale avec elle, et ensuite il va continuer la division avec ses autres femmes, et il ne va pas calculer les 3 nuits qu'il a passées avec celle qu'il vient d'épouser. Et ça c'est rapporté selon Abu Qilaba, selon Anas, qui a dit qu'il fait partie de la sunna lorsqu'un homme épouse une fille vierge qu'il reste avec elle 7 nuits, hein? Puis après il reprend la division du temps. Et s'il épouse une femme qui n'est pas vierge, c'est-à-dire une femme veuve ou divorcée, il va rester 3 nuits avec elle, et ensuite il va reprendre la division du temps. Donc ça c'est un point important aussi. Il dit وَإِنْ أَحَبَّتَ الثَّيِّبْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلْ وَقَضَى مِثْلَهُنَّ لِلْبَوَاقِ مِنْ ضَرَّتِهَا وَقَضَى مِثْلَهُنَّ لِلْبَوَاقِ مِنْ ضَرَّتِهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْتَدِئُ الْقَسْمُ لَيْلَةً لَيْلَةً عَلَيْهِنَّ. Ok, donc c'est ça. Il dit, si par contre la femme qui n'est pas vierge, comme la veuve ou la femme divorcée, si elle veut elle aussi qu'il reste 7 jours avec elle, il peut, dans ce cas-là, il peut le faire. Hein? Et il va reprendre la même chose pour les autres co-épouses aussi après. Puis ensuite, il va reprendre la division d'une nuit par nuit, hein, à cause du hadith de Salama à ce sujet-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a épousée, Salama, il a passé 3 jours avec elle. Puis il a dit Innahu laysa bika hawan ala ahlik, fa in shi't sab'tu laki. Donc c'est ça, j'avais oublié de mentionner ça tout à l'heure aussi, c'est que quand il va passer 7 nuits avec la femme vierge, il doit aussi passer 7 nuits avec les autres par la suite, Oui, c'est ça. Et avant de reprendre la division, parce qu'il doit faire ça après par la suite avec toutes les autres. Et la femme qui n'est pas vierge, comme la femme qui est divorcée ou veuve, il l'a épousée, donc il lui donne 3 nuits. Si elle désire, il peut faire 7 jours avec elle aussi, et après il va faire 7 avec les autres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lorsqu'il a épousé Salama, il a dit, si tu veux, je vais te donner 7 nuits, mais je vais te donner à toi 7 nuits, et je vais donner 7 aux autres de mes femmes aussi. Et ça, c'est rapporté par Ahmad et Muslim et d'autres également. Non. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. S'il donne 3 à la veuve, il va donner 3 aux autres aussi. Et après, il va reprendre la division du temps régulière, une nuit par nuit. Et d'après ce que j'avais lu même également par rapport à ça, c'est que si elles se mettent d'accord pour une autre forme de division, c'est correct aussi. Comme par exemple, si elles disent, nous, on préférerait que tu fasses 2 nuits avec chacune. Comme si par exemple, elle dit, tu me donnes 2 nuits, après tu donnes à l'autre 2, 2, 2, 2. Ça, c'est préférable pour nous. Ou bien 3, par exemple, je veux que tu nous donnes 3, 3, 3. Alors, ça dépend de... Yani, s'ils se mettent d'accord sur ça, alors c'est correct. C'est permis de le faire. Et aussi, là, comme on avait expliqué déjà par rapport à ça, c'est permis que l'homme... Parce que, c'est, comme par exemple, il y a des gens, c'est ce qu'ils font, ils ont leur appartement, ils ont une maison, puis ils ont leur appartement dans la maison. Et lorsque c'est la nuit d'une de ces femmes, c'est elle qui vient dans son appartement. Hein? Et après, quand elle retourne dans son appartement à elle. Et à chaque nuit, c'est l'autre qui vient. Ou bien des fois, on peut aussi faire d'une autre façon, c'est-à-dire que chaque femme qui a son appartement, le mari, il vient visiter chacune d'entre elles à chaque nuit. Non. Non. Salam alaykoum wa sallam. Effectivement, puisque le prophète Sansom, il avait un appartement pour chacune de ses femmes, donc lui, il allait à chaque jour dans une des appartements de ses femmes. Naam. Chaque appartement avait son lit, donc c'est normal. Mais par contre, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé d'être comme ça. Ah oui, donc c'est-à-dire de dire que l'homme il doit pas dormir dans le même lit avec sa femme, c'est ça? Non, c'est ça. C'est pas interdit que l'homme il dorme avec sa femme. Et l'idée de dire que l'homme il dort pas avec sa femme dans le sens que chacun ils ont leur lit. Il y a certaines personnes qui aiment faire ça de cette façon. Ils peuvent le faire comme ça s'ils veulent, mais sinon c'est pas comme disons pour dire que c'est une règle. Ouais, non, c'est-à-dire c'est pas comment je pourrais dire, hein? Oui, c'est ça, dans le sens que la personne elle peut faire comme elle veut, d'accord? La personne, elle peut faire comme elle veut. Soit que, comme je disais, lui, il a son appartement, les femmes, ils viennent. Ou lui, c'est-à-dire dans la même maison, elles ont chacun leur appartement. Si il a, par exemple, une maison avec plusieurs appartements, elles viennent chacune dans son appartement lorsque c'est sa nuit. Et sinon, si par exemple c'est lui qui va vers elle, il n'y a aucun problème dans les deux cas. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَوْضُوعُ مَبْحَثُ النُّشُوزِ وَهُوَ مَعْصِيَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فيما يجب عليها له مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. Donc le cheikh maintenant il dit que il veut parler d'un autre sujet qui est relié à ce sujet-là, qui est la question. Wa alaykoum salam. Ça va Mourad? Ça va bien, alhamdoulillah. Naam. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle an-nushuz? An-nushuz. Naam. Ok, donc il dit que le sujet de an-nushuz, c'est lorsque la femme elle désobéit à son mari. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour elle? Et on dit que le terme nushuz, ça vient de an-nashzu, ça veut dire tout ce qui est élevé sur la terre, quelque chose qui est élevé. Donc c'est comme si elle essayait de s'élever au-dessus de ce qui est obligatoire pour elle. Hein? Elle s'élève de faire ce qui est obligatoire envers son mari et de, d'avoir une bonne entente avec elle et avec lui et de vivre avec lui en harmonie. Le cheikh dit « Wa yahrumu ala zawja fi'lu dhalika min ghayri mubarririn » Donc la femme, elle n'a pas le droit de faire ça sans quelque chose qui le justifie. Ok. Et il dit وَإِذَا ظَهَرَ لِلزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ شَيْءٌ مِنْ عَلَامَاتِ النُّشُوزِ كَأَنْ لَا تُجِيبُهُ إِلَى الْاِسْتِمْتَعَ أو تَثَاقُلٌ إِذَا طَلَبَهَا فَإِنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَعِذُهَا وَيُخَوِّفُهَا بِاللَّهِ وَيُذَكِّرُهَا بِحَقِّهِ عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْإِثْمِ إِذَا خَالَفَتْهُ فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى النُّشُوزِ بَعْدَ الْوَعْظِ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام. Donc il dit ensuite le cheikh que si par exemple l'homme il appelle sa femme par exemple pour et qu'elle refuse de venir, donc ça c'est parmi les signes où lorsque apparaît de la part de la femme certains signes de désobéissance. Elle l'appelle, par exemple, il l'appelle sa femme pour qu'elle vienne dans le lit conjugal, elle refuse. Ou, yani, elle traîne dans le sens qu'elle ne veut pas venir lorsqu'il l'appelle. Alors, à ce moment-là, yani, il l'exhorte. Qu'est-ce que ça veut dire, il l'exhorte? Il lui fait peur. Il lui rappelle de craindre Allah. Il lui mentionne les choses pour qu'elle puisse craindre Allah et pour l'exhorter en même temps à faire le bien et lui rappeler les récompenses et le mérite de faire ce que Allah ordonne. Donc elle lui fait peur en lui mentionnant la menace d'Allah et de sa désobéissance lorsqu'elle lui désobéit, et il l'exhorte en lui mentionnant les mérites du bien et de l'obéissance. Ça c'est l'exhortation, c'est ça al-wa'z. Ensuite, il dit, il lui rappelle son droit sur elle et ce qu'elle doit faire obligatoirement. Et qu'est-ce qu'elle a aussi comme péché si elle lui désobéit et qu'elle contredit son ordre. Mais si elle persiste malgré tout à désobéir par la suite, après l'exhortation, alors il doit s'écarter d'elle dans le lit. Il doit s'écarter d'elle dans le lit. C'est-à-dire, il ne va pas se coller à elle dans le lit ou se mettre près d'elle dans le lit pour la durée de 3 jours. Si, il dit, elle continue, فَإِنْ أَصَرَّتْ بَعْدَ الْهَجْرِ, si après qu'il s'est écarté d'elle, elle persiste, فَإِنَّهُ يَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أي غَيْرَ شَدِيدٍ لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن Donc il dit ici, après avoir s'être écarté d'elle dans le lit, elle continue à désobéir, alors il doit la punir, hein, de manière qui n'est pas trop sévère, qui n'est pas dure. C'est-à-dire que s'il va la frapper, par exemple, il ne doit pas la frapper d'une manière qui va la blesser ou qui va marquer. D'accord ? Mais il la corrige comme on corrige un enfant lorsqu'il désobéit. Et il dit « لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ » celles dont vous craignez la désobéissance, alors exhortez-les. « فَعِذُوهُنَّ » Et ça, c'est la première étape, l'exhortation. Et la deuxième étape, « وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ » Écartez-vous d'elles dans le lit. « وَضْرِبُوهُنَّ » C'est la troisième étape, hein, et frappez-les. Et on a dit, la sunna, c'est bien entendu la frapper sans qu'il y ait de marque et sans qu'il y ait, hein, sans blesser ou quoi que ce soit de ce genre. Oui, également, pas d'éviter le visage, parce qu'on n'a pas le droit de frapper le visage de qu'est-ce qui est vivant, ni un animal, ni un être humain. C'est pas seulement la femme, même des animaux, t'as pas le droit de frapper dans le visage. T'as pas le droit de frapper un animal, t'as pas le droit de frapper un être humain dans le visage, ni un homme, ni une femme, ni un enfant. Non, mais là, les insectes, c'est autre chose. Les insectes, c'est autre chose. Barakallahu fik. Naam. Après le... Naam. Non, il a donné l'exemple de miswak. Miswak, c'est la brosse à dents, yani. De frapper avec ça. Mais le but, ce n'est pas de faire mal, c'est de corriger, en fait. C'est plutôt... C'est comme un genre de correction, en fait. Hein? Une petite correction légère, pas dans le but de frapper. Et puis, pour dire franchement, si quelqu'un il va frapper sa femme comme certains qui frappent leur femme, c'est pas comme le professeur Hassan a dit, ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Hein? Parce que le professeur Hassan a dit, khayrukum khayrukum li ahli. Hein? Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa femme. Si quelqu'un il est obligé d'arriver jusqu'au cou pour faire que sa femme lui obéisse, alors ça veut dire qu'il n'a aucun respect, en fait, de la part de cette femme-là. Et donc, je doute qu'en la frappant, elle augmente en amour pour lui. Hein? Et je doute qu'en la frappant, elle lui obéisse plus. Peut-être que certaines femmes, même parfois, si on les frappe, elles vont devenir plus acharnées encore. Hein? Non. Ouais, non, mais ça dépend des femmes, ça dépend des mentalités aussi. Mais pour dire la vérité, Yanni, ça c'est la majorité des femmes, personne, aucune femme elle aime se faire frapper. Aucun homme aime se faire frapper. Donc si un homme il aime pas se faire frapper, comment une femme elle aimerait se faire frapper? Yanni. C'est-à-dire que si, par exemple, l'homme il est fâché avec sa femme, puis il dit « moi, je t'adresse pas la parole », ou bien il lui adresse pas la parole, ça peut être un moyen pour qu'il lui fasse comprendre qu'il n'est pas satisfait de qu'est-ce qu'elle fait ou de son comportement. En général, les femmes, elles vont être sensibles à ce genre de choses. Hein? Et que son mari est fâché avec elle ou qu'il ne lui parle plus, elle va être affectée par ça. Elle va commencer à essayer de chercher qu'est-ce qui est le problème, puis essayer de trouver un moyen pour régler ça. Si c'est une femme qui est sage et qui est intelligente, elle va essayer de régler le problème. Non. Donc le cheikh il dit ensuite wa iza da'a kullu min az-zawjayn dhulm al-akhar lahu وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة وعليهما أن ينوي الإصلاح لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض, ومن تهيا إليه عمل به حلا للإشكال والله أعلم. Donc, c'est qui avait une question? Oui, vas-y. An-Nushuz, c'est le verset 34 dans Sourate An-Nisa. Ar-Rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ça, c'est à la fin de ce verset-là. Oui, le verset 34 dans Sourate An-Nisa. Et ensuite, le cheikh, il dit, et si chacun des deux époux accuse l'autre d'une injustice, parce qu'en général, c'est comme ça, c'est rare qu'il y a juste un des deux époux qui se plaint de quelque chose. S'il y a quelque chose qui se passe, souvent, c'est les deux époux qui ont des reproches à faire à l'autre. Hein? Alors, il dit, ah, lui, il fait ça, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait ça, il fait pas ça. Et la femme, elle dit, oui, mais lui aussi, il ne fait pas ça, il fait ça, il ne fait pas ça, il fait ça. Hein? Chacun, ils ont des trucs à reprocher à l'autre. Justement, j'avais même trouvé, je ne sais pas qui m'avait envoyé ça, ça fait très longtemps. C'était comme des captures d'écran. Hein? Quelqu'un avait écrit sur Google, « My wife says I ». Et toutes les suggestions qui sont en dessous. My wife says I am emotionally abusive. My wife says I have two faults. My wife says I don't care about her. My wife says I work too much. Ben c'est sûr. Mais dans l'autre côté, my wife says I don't. Et là tu vois qu'est-ce qu'il y a. My wife says I don't care about her. My wife says I don't do enough. My wife says I don't appreciate her. Hein? My wife says I don't make enough money. My wife says I don't talk to her enough. Ça, c'est une chose que les femmes se plaignent souvent. Mon mari ne me parle pas assez. Hein? Donc, non, mais c'est pas ça. C'est que, en tout cas, c'est... Des fois, tu peux parler. Des fois, tu parles, mais pour la femme, ça, c'est pas parler. Oui, c'est ça. C'est parce qu'elle veut entendre certaines choses ou elle veut discuter de certaines choses spécifiques. Je ne sais pas, Yanni. Non. Ou bien, des fois, elle dit que tu n'écoutes pas. Donc, en tout cas, c'est parce que l'homme et la femme, ils sont différents dans leur façon de penser, dans leur façon d'être. Donc, si par exemple, un homme il est concentré dans quelque chose, puis que sa femme lui parle, peut-être qu'il ne va pas entendre qu'est-ce qu'elle a dit. Hein? Et moi, bon, ça m'arrive souvent que je suis en train de faire quelque chose, soit je suis en train de lire, ou je suis en train de faire un travail ou quelque chose, et puis quelqu'un me parle et je n'entends pas. Mon fils, lui, il sait comment faire avec moi. Quand il vient, là, il dit « Papa, papa, papa !» Et puis, il va répéter 20 fois jusqu'à ce que je me tourne vers lui et que je le regarde. Et là, il va commencer à me dire l'affaire. Il ne va pas me parler jusqu'à ce que qu'il a pris mon attention à 100%. Et là, il me parle. Alors j'ai dit « Mashallah, il a trouvé la bonne façon hein !» Mais il y a d'autres personnes qui ne font pas ça. Ils ne regardent pas à savoir est-ce que tu es concentré, est-ce que tu les regardes, est-ce que tu les écoutes. Non, ils te parlent direct. Et quand tu entends, quand la personne a terminé de parler, tu as l'impression que quelqu'un t'a parlé, mais tu n'es pas certain est-ce que quelqu'un t'a parlé ou non. Alors, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Donc, la personne est fâchée par la suite parce que tu n'as pas écouté. Donc ça peut arriver des choses comme ça. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, si jamais il y a un conflit entre deux époux, et que chacun des deux dit que l'autre lui fait de l'injustice, et qu'on n'arrive pas à faire la réconciliation entre les deux, alors dans ce cas-là, le juge il va envoyer deux juges, ou plutôt un juge, حكمين عدلين من أهلهما, un juge de la femme, de la famille de la femme, et un juge de la famille de l'homme, deux personnes qu'ils vont choisir pour venir dans la négociation, dans la discussion, pour essayer de faire régler le problème. Pourquoi de prendre deux personnes parmi les proches des deux personnes? Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus au courant des raisons cachées des conflits qu'il peut y avoir entre les deux. Et ils sont plus proches aussi de la confiance et de la compréhension de où se tient le bienfait pour les deux. Et ils doivent avoir l'intention de faire la réconciliation. Ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, hein, pour rajouter des problèmes. Non, si tu viens, c'est pour réconcilier. Et ça aussi, ça demande de la sagesse et de la compréhension. Parce que la réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir, à un certain moment donné, une volonté déjà de réconcilier les deux. Hein. Il faut qu'ils veulent se réconcilier les deux. Et en même temps, il faut qu'il y ait un certain... il faut qu'ils soient prêts à se faire un compromis. Il faut qu'un des deux soit prêt à faire un compromis et à pardonner et à excuser qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Parce que s'il n'y a pas ça, je ne vois pas comment il peut y avoir de réconciliation. Hein? Donc, il faut qu'il soit prêt à faire un compromis. Il faut qu'un des deux, il descende de son perchoir, comme on dit. Parce que si lui, il veut rester là, et elle veut rester là, et les deux, ils ne veulent pas broncher, il n'y en a pas un qui veut plier, alors c'est sûr que ça ne marchera pas. Et en même temps, il faut que un des deux, mais en principe, ça doit être les deux, soit prêt à pardonner l'autre. Et qu'est-ce que l'autre a fait comme injustice, ou qu'est-ce qu'il a dit comme parole, ou qu'est-ce qu'il a fait comme action? Pardonner et excuser. Parce que sinon, du moment qu'ils se sont réconciliés, aussitôt qu'il y a un autre problème qui arrive, ils vont ramener encore une fois les anciennes histoires. Ah, tu avais dit ça, et t'as fait ça, tu te rappelles, t'as fait ça, et t'as pas fait ça. Non, une fois que vous vous êtes pardonné et que vous êtes excusé pour qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, c'est interdit de le ramener encore une fois. Vous ne pouvez plus en parler et vous ne pouvez plus le ramener encore une fois pour, dans vos discussions, parce que ça, c'est comme quand une plaie, hein, elle commence à guérir. Si tu commences encore à aller jouer avec, ça va s'ouvrir. Hein, et de faire ça encore, ramener ces affaires-là, c'est comme si tu mets du sel là-dedans. Hein, ça fait mal. Donc, il faut laisser tomber ça complètement. Il faut réconcilier. Et le cheikh, il a mentionné le verset suivant, le verset 35 dans sourate An-Nisa. Justement, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne comment doit se faire cette réconciliation. Il dit, et si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de la femme, hein, un arbitre de la famille à lui, et un arbitre de la famille à elle. Et si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Et donc la réconciliation, que ce soit entre les époux, que ce soit entre des frères, lorsqu'ils ont des disputes ou des problèmes, il faut toujours qu'il y ait ça. C'est-à-dire que déjà les gens, ils reconnaissent leur tort, qu'ils soient prêts à s'excuser, qu'ils soient prêts à se pardonner, qu'ils soient prêts également à faire des compromis si c'est nécessaire, dans le but d'arriver à la réconciliation. Mais souvent, les gens, ils arrivent, des deux côtés, ils sont sur leur position, ils ne veulent rien changer, ils ne veulent rien faire. Et des fois, ils ne reconnaissent pas leur tort, Donc, si la personne ne reconnaît pas ses torts, elle ne demande pas pardon à l'autre, et l'autre, il ne pardonne pas, et l'autre, il ne reconnaît pas ses torts aussi. Donc, ça, c'est des fois, hein, ça veut dire qu'on n'arrive pas à une réconciliation sincère. Hein. Et des fois, il y a des gens qui disent « Oh oui, je te pardonne », mais ils ne disent pas « De quoi je te pardonne ?» Hein, ou bien qui demande pardon, ou bien qui excuse quelqu'un, mais sans lui dire de quoi il excuse. Ou bien il y en a qui demandent des pardon, mais qui disent, mais j'ai rien fait. Et pourquoi tu demandes pardon si tu n'as rien fait? Ça veut dire que ce n'est pas sincère. Parce que si tu demandes pardon, ça devrait être parce que tu reconnais que tu as fait un tort, hein, et que tu veux que ça soit corrigé. Mais si tu refuses d'admettre que tu as un tort, donc pourquoi dans ce cas-là tu demandes pardon? Ça veut dire que ce n'est pas sincère. Hein? Et donc, il dit, les deux juges ou les deux arbitres, ils doivent faire ce qui est le plus proche de la réconciliation, qui va faire en sorte que les deux vont être réunis, ou bien, si qu'est-ce qu'ils considèrent qui est le mieux pour les deux, c'est de se séparer, alors dans ce cas-là, ils vont dire qu'il faut qu'il y ait séparation, soit avec rétribution ou bien réparation, ou, c'est-à-dire bien reward, ça veut dire quelque chose en échange, soit de l'argent ou quelque chose comme ça, ou non. Si c'est avec échange, ça va être le khul. Si c'est sans, alors ça va être un divorce. Et donc, il dit وَمَنْ تَهَيَا إِلَيْهِ. Donc c'est ça. Selon qu'est-ce qui est le mieux, alors c'est ça qu'il faut prendre en considération pour résoudre le problème. Parce que parfois, la solution, c'est de régler le problème puis de revenir ensemble. Mais parfois, il n'y a pas de terrain d'entente possible. Et c'est une cause perdue, comme on dit. Les deux, ils vont plus jamais pouvoir revivre ensemble. Et s'ils retournent ensemble, ils risquent peut-être de se faire plus de tort et plus de mal dans leur religion et dans leur vie et, et pour leurs enfants. Alors dans ce cas-là, c'est mieux qu'ils se divorcent. Et c'est pour ça que le chapitre suivant, c'est le chapitre du divorce. Kitab al-Talaq. On a fini maintenant le chapitre sur le mariage. Mais juste avant de terminer, j'aimerais juste mentionner ce point-là, et ça c'est important, c'est que des fois il y a des gens qui disent « Oh, nous on reste ensemble, c'est juste pour les enfants, parce qu'en réalité, si et ça, et si et ça. Hein? Si c'était de moi seulement, je ne serais pas resté avec telle ou telle personne, ou des choses de ce genre. » Donc, ça, il faut faire attention. Quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il va rester avec l'autre, mais dans le but de préserver ou le bien des enfants? C'est dans le cas où la personne, elle va savoir comment vivre et comment elle va être juste et honnête et comment elle va respecter l'autre. Parce que sinon, si les deux vivent ensemble avec les enfants et qu'ils sont en train de passer tout leur temps à s'insulter, à se dénigrer, à se rabaisser, à se disputer, à crier, à casser des choses ou des choses de ce genre, en présence des enfants, eh bien, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire aux enfants comme éducation? Qu'est-ce que vous pensez que ça va créer chez les enfants comme état psychologique? Hein? Est-ce que vous pensez que ça va être plus bénéfique pour les enfants? Non. Alors, le fait de dire « moi, je reste avec cette personne, c'est juste pour les enfants », peut-être que tu es en train de détruire tes enfants en restant avec cette personne. Puis peut-être que si vous étiez séparés justement, ces enfants-là seraient beaucoup mieux. Hein? Alors, il ne faut pas utiliser les enfants comme une excuse et comme un prétexte pour rester avec une personne avec qui on n'est pas capable de vivre. Yani, peut-être que si on reste avec elle, on risque de terminer en prison. Il y a des gens comme ça. Ils restent avec une femme, ou une femme, elle reste avec un mari, et à la fin, ils ont envie de se tuer les uns les autres. Hein? Peut-être qu'à cause de ça, ils vont tous les deux aller en prison, ou bien un des deux, hein? Parce qu'il y en a un qui va faire un crime, et il va regretter quelque chose. Souvent, les femmes, c'est ça. Si le mari il commence à devenir fou, il perd la tête, et il commence à frapper, ou des choses comme ça, elle appelle la police. Lui, il rentre en prison, ça y est. Surtout aujourd'hui, là, même, ça prend pas grand-chose hein, pour rentrer en prison. C'est-à-dire que même la femme, même des fois, son mari ne l'a même pas touchée, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Mais elle, juste parce qu'elle est fâchée contre lui, elle appelle la police. Elle dit, ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et ce n'est même pas vrai. Hein? Et il l'amène en prison quand même. Parce que maintenant, c'est comme ça. Hein? Naam. Ok. Déjà dans cette situation, il faut comprendre une chose, c'est que des fois, on a des problèmes entre mari et femme, et ça c'est normal, il y a toujours des petites disputes, ça c'est correct. Je sais pas, moi, il y a des gens qui ont des problèmes par rapport à l'argent, des couples qui ont beaucoup de problèmes par rapport à l'argent. Il y a d'autres couples, leur problème c'est peut-être les dépenses ou la nourriture ou d'autres problèmes comme ça. Hein? Donc il y a toujours une raison pour les conflits, il faut toujours regarder ça. Et puis, il y en a par exemple, si par exemple le problème c'est des problèmes religieux, comme par exemple un des deux époux qui ne fait pas ce qu'il devrait faire ou qui fait ce qu'il ne devrait pas faire, et qu'un des deux, il conseille l'autre. Hein? Alors, des fois dans ces situations-là, c'est un petit peu délicat et il faut y aller avec patience. Parce que lorsque tu veux faire la nasiha à quelqu'un, en particulier quelqu'un avec qui tu vis, quelqu'un avec qui tu as un lien, il faut être extrêmement patient et y aller avec beaucoup de sagesse et beaucoup de patience et beaucoup de douceur, parce que la personne, il n'y a personne qui aime ça se faire faire des remontrances jour et nuit et se faire toujours faire des comptes, hein, tout le temps, sans arrêt. Ça, c'est pas un contexte ou un milieu harmonieux. Hein. Dans le sens que si tu veux faire la nasiha à quelqu'un, hein, eh ben il faut y aller avec hikmah, avec sagesse, avec bonne exhortation, mais pas avec agressivité, avec dureté, avec violence, avec dénigrement. Des fois, par exemple, peut-être quelqu'un, il dépasse la limite. Peut-être qu'il pense qu'il est en train de faire la nasiha pour Allah. En réalité, il fait la nasiha pour lui-même. Parce que ça devient son orgueil, son nafs qui le pousse à faire ça de cette façon-là. Donc, c'est comme la personne qui a dit à l'autre, cesse de faire des péchés, cesse de faire des péchés. Hein? Et puis l'autre, il a dit, laisse-moi. Hein? Laisse-moi entre moi et mon Seigneur. Hein? Alors à chaque fois qu'il le voyait, il lui disait, arrête de pécher, arrête de pécher. Et l'autre, il lui a dit, par Allah, Allah ne va jamais te pardonner. Hein? Par Allah, Allah ne va jamais te pardonner. Alors quand ils sont arrivés devant Allah au jour de la résurrection, Allah il a dit à l'autre qui faisait beaucoup d'adoration, est-ce que toi tu savais mieux que moi à mon sujet? Hein? Et c'est toi qui as le pouvoir sur qu'est-ce que je décide? Rentre en enfer. Et il a dit à l'autre qui faisait des péchés, entre au paradis par ma miséricorde. Donc il faut savoir, que la guidance est entre les mains d'Allah. Et les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Ar-Rahman. Il les tourne comme il veut. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut changer l'état d'une personne. Donc, première chose importante par rapport à ça, c'est de commencer tout le temps par le fait de faire des doigts pour l'autre, pour que Allah guide l'autre personne. Le doigt, c'est la meilleure chose. Parce que toi, tu n'as pas le contrôle sur le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. » Tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc toi, même si tu fais tout ce que tu peux, hein, pour essayer de guider l'autre, pour essayer de la faire suivre le droit chemin, pour essayer de la rendre pieuse, tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui as ce pouvoir-là. Toi, ton devoir et ton obligation, il s'arrête à l'exhortation, à faire le rappel, à donner la nasiha avec la douceur et la sagesse et la gentillesse, la patience. C'est là, ça s'arrête là. Et si tu commences à devenir trop agressif, tu commences, peut-être même il y a certaines personnes, elles dénigrent, elles rabaissent, elles insultent, elles moquent. Alors là, ça devient quelque chose qui risque peut-être même parfois de faire tomber la personne dans l'autre côté, hein, et de l'éloigner au lieu de la rapprocher. Non, ça dépend. Si c'est par rapport à des choses qui ont rapport avec des obligations ou des interdictions, hein, ordonner le bien, interdire le mal, faire la nasiha. Mais comme on dit, avec science, avec sagesse, avec patience, avec respect, avec douceur. Mais il y a certaines choses, oui, effectivement, que tu vois, par exemple, chez l'autre, il faut savoir passer par-dessus, fermer les yeux. Et il ne faut pas que tu sois comme, comment je pourrais dire, c'est pas comme tu es un superviseur, là. Hein? Ouais, tu es un superviseur dans ta maison. Tu regardes l'autre, tu dis, ah, première infraction, deuxième infraction, troisième infraction, ça, c'est pas correct. Ça, tu dois pas faire ça. Non. Ah, cinquième infraction, sixième. Puis là, tu as ton carnet, là, puis là, tu écris les fautes de la personne. Ah, aujourd'hui, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Hein? Tu réalises, hein? Allah, il va juger pour ça, tu vas aller en enfer. Non, mais c'est pas de vivre avec quelqu'un qui est comme ça, c'est pas drôle. Parce que c'est comme un harcèlement psychologique tout le temps. Il faut donner la nasiha, mes frères, mais pas de cette façon-là. Exactement. Dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, les ulama, ils disent tout le temps, il y a trois situations qui sont possibles dans l'ordonnance du bien et d'interdiction du mal. Soit que tu vas réussir à éliminer le mal complètement et à le remplacer par un bien complet. Ça, c'est la première, et ça, c'est l'idéal. Dans ce cas-là, c'est obligatoire. Dans un cas où tu ne vas pas faire éliminer le mal complètement, mais tu vas le diminuer, alors dans ce cas-là, c'est recommandé de le faire. Hein? Parce que c'est sûr que tu ne vas pas amener le bien complet, mais au moins, il y aura quand même un peu moins de mal. Donc, c'est bien. Hein? Et il y a le cas où tu vas changer le mal, mais qu'est-ce qui va venir à sa place? C'est quelque chose de pire. Alors là, c'est haram dans ce cas-là de changer ce mal-là. Alors le mieux, c'est d'être patient et d'endurer ce mal jusqu'à ce que tu aies la capacité de le changer pour l'enlever complètement ou de le diminuer. Mais pas de faire quelque chose et qu'à la fin, ça ramène quelque chose de pire. Et beaucoup de gens n'ont pas eu la sagesse avec leur époux ou l'époux et l'épouse, et ils ont agi d'une manière a éloigné ou repoussé la personne justement du droit chemin. Et aussi, il faut voir aussi dans le mariage, par exemple, si ces deux personnes qui se sont mariées alors que tous les deux étaient sur la sunna, pratiquants, forts dans la religion, et qu'ils se sont mariés comme ça, donc ça, c'est une chose. Déjà, ils savent un petit peu comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, leur potentiel, leur niveau dans la foi, dans la religion, hein, dans la connaissance. Mais parfois, c'est le cas où soit la femme, elle épouse un homme qui, avant, peut-être qu'il n'était pas très pratiquant, après il est devenu, ou c'est le contraire, c'est l'homme qui était l'homme qui était pratiquant, la femme qui, elle, était négligente ou elle ne pratiquait pas, et que là, elle a commencé à pratiquer par la suite, parce que l'autre, par exemple, l'autre, il est en train de lui faire da'wah, de l'appeler au bien, de l'aider à s'améliorer dans sa religion, mais il faut parfois y aller doucement dans ces cas-là, parce que l'autre, il n'est peut-être pas au même niveau que nous, et que si on essaie de pousser trop fort ou trop vite, ça risque de justement d'éloigner la personne, hein? Et donc il faut savoir quand est-ce que la personne est ouverte et quand est-ce que la personne est prête ou non. Et aussi non plus, des fois, c'est si on voit que la personne, elle veut vraiment avancer, il ne faut pas la retenir ou l'empêcher, parce que des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est ça, c'est que la personne, elle veut avancer dans la religion et l'autre, elle veut essayer de la retirer ou de la ralentir ou de l'éloigner de la pratique. Et là, dans ce cas-là, c'est grave, parce que ça, c'est comme si elle était en train de, d'être un genre d'obstacle dans son chemin vers Allah. Alors dans ce cas-là, il faut vraiment essayer de comprendre et de prendre en considération. Puis si jamais il y a des questions ou des problèmes qui sont trop compliqués, trop grands, de se référer dans ce cas-là à des gens qui ont du savoir, soit parmi les toulab al-ilm ou bien parmi les ulama. Mais c'est pas par exemple n'importe quelle petite dispute. Si quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, ouais, il a cassé des œufs comme tu dis, ou bien il a échappé une assiette, et puis sa femme elle est fâchée, donc elle crie sur lui, et puis là lui il appelle un cheikh pour lui dire: cheikh, ma femme elle crie sur moi, j'ai échappé une assiette. Et année, si tu fais ça, tu déranges le cheikh, et en même temps tu lui fais perdre du temps, parce que ce sujet là vous êtes capable de le régler, hein? Vous êtes deux adultes, vous n'êtes pas des enfants. Oui, manque de maturité. Hein? Donc il faut savoir comment gérer certaines de ces questions-là. Et s'il y a vraiment quelque chose qui est compliqué là, quelque chose qui est à un niveau où il faut avoir la parce que parfois vous appelez un cheikh, mais le cheikh est loin et il ne peut pas entendre nécessairement les deux côtés et savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Donc dans ce cas-là, yani, si vous parlez avec l'imam des mosquées dans votre quartier ou les gens qui sont sur place et vous allez les voir pour leur demander de l'aide, dans ce cas-là, c'est mieux. Mais il y a une chose aussi par rapport à ça, puis on va terminer avec ça, inshallah, c'est qu'il y a des frères, j'ai remarqué, c'est pas juste ici, même dans d'autres pays, ils veulent absolument pas que leur femme ait un recours à un imam ou à un cheikh dans les problèmes de famille qu'ils ont, ou les problèmes conjugaux, parce qu'ils disent non, je ne veux pas que des gens soient au courant de mes affaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils font de l'injustice à la femme et ils maltraitent leur femme et ils respectent pas les droits de leur femme et ils leur font de l'injustice sans cesse. Et la femme, elle est toute seule, elle a personne avec qui elle peut parler pour expliquer ces problèmes-là ou pour demander de la justice. Alors, si elle dit « je vais appeler l'imam », il dit « non, appelle pas l'imam, hein? ». Si elle veut demander de l'aide, hein, à une sœur, elle dit « non, parle pas avec une sœur ». Donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là? Si son mari la frappe, si son mari la maltraite, si son mari lui fait de l'injustice, hein? Non, mais à la fin, à la limite, à la fin, c'est ça ce qui arrive si l'homme, il a fermé toutes les portes pour cette femme. Alors, qu'est-ce qu'il est obligé de faire à la fin, quand elle n'a plus d'autre recours? Soit elle appelle la police, ou bien des fois, ce n'est pas elle qui va appeler la police, c'est les voisins qui vont appeler la police. Et c'est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans l'islam, la femme, elle a le droit de parler avec l'imam, de parler avec le cheikh, de son mari et des problèmes qu'elle a dans la maison, si c'est des problèmes, hein, qu'elle ne peut pas régler elle-même, et que son mari, il agit d'une façon qui n'est pas correcte, soit qu'il ne fait pas la salat, soit qu'il fait des péchés graves, et qu'elle, elle veut essayer de corriger cette situation-là, et elle a besoin d'aide, ou il... Elle a besoin d'avoir de l'aide, hein? Et là, l'homme, il pense à quoi? Il pense à son orgueil, hein? Et son orgueil et son honneur. Mais s'il pensait vraiment à son honneur, il ne va pas agir comme ça avec sa femme, hein? Et donc, pose la question à ce frère-là. Dis, toi là, si tu as une sœur, si tu as une fille, et que tu l'as mariée à quelqu'un, et que cette personne qui est mariée avec ta fille ou qui est mariée avec ta sœur, il commence à la frapper, il commence à la maltraiter, il l'insulte, il la dénigre, hein, il la frappe, et que, ou bien il fait pas qu'est-ce qu'il doit faire, hein, il fait des péchés, il désobéit à Allah, il fait pas les obligations, et que il lui dit: je t'interdis d'appeler ton frère, je t'interdis d'appeler ton père, je t'interdis d'appeler l'imam, je t'interdis d'appeler ci, d'appeler... Alors, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce que tu lui dirais, est-ce que tu dirais, toi, que ça c'est correct et qu'elle doit rester dans cette situation, hein? Donc ça c'est juste un exemple. Si toi tu ne peux pas accepter que quelqu'un traite ta fille comme ça, ou que quelqu'un traite ta sœur comme ça, alors comment toi tu traites la fille de quelqu'un d'autre comme ça? Comment toi tu traites la sœur de quelqu'un d'autre de cette façon, hein? Mets-toi à leur place. Si tu as une fille, peut-être un jour elle va être mariée, comment tu vas faire quand elle va avoir des problèmes? Tu ne vas pas vouloir qu'elle t'appelle si elle a besoin d'aide, hein? Tu vas lui dire non, ton mari te frappe, endure, reste avec lui et ne critique pas et dis rien. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, quand des femmes avaient des problèmes, elles venaient se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les hommes, les maris de ces femmes-là allaient dire, mais pourquoi tu es allé voir le prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu es allé dire au prophète les problèmes qu'on a dans la maison, hein? Tu vas lui dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit. Après, moi, quand je vais sortir dehors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va me regarder, hein? Je vais avoir honte. Donc tu penses plus à ta... On t'a plus honte du prophète que d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on a une sourate dans le Coran qui est révélée justement dans ce sens-là, suratul Mujadala. Hein? Suratul Mujadala, c'est, je crois, 59. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset, le verset, comment il pense, comment il commence? Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? C'est le verset 58. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a bien, il dit ce qui signifie, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. Il parlait à propos de son mari. Hein? Elle parlait à propos de lui et se plaignait à Allah. Hein? Parce qu'il avait, il avait dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est interdit. C'est comme une forme de divorce que les Arabes avaient dans la Jahiliya. Donc ça, c'est interdit dans l'islam. Et puis, l'exemple aussi de par exemple, Hind, lorsqu'elle est venue voir le professeur à propos de son mari, elle a dit, mon mari, Abu Sufyan, est un homme avare. Il ne me donne pas à moi et à mon enfant ce qui est suffisant pour vivre. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, prends de ses biens, qu'est-ce qui est suffisant pour toi et pour ton enfant? Alors, les gens ont dit, ah, mais non, c'est pas bien, tu es allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu lui as dit que ton mari est un homme avare. Hein? Il ne faut pas faire ça. Et donc, qu'est-ce que ces femmes-là ont fait et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ça s'applique à tous les juges, à tous les ulama, hein? Dans le sens que si quelqu'un il a besoin d'aide, une femme elle a besoin d'une question, elle a besoin d'un conseil par rapport à des questions de la famille, elle peut aller voir un cheikh ou un imam ou un juge pour lui demander de l'aide, hein? Et pour que les choses soient réglées. Et donc toi tu ne devrais pas avoir honte ou être gêné de ça. Hein? Si tu ne voulais pas que tes problèmes sortent, hein, eh bien, il fallait gérer bien mieux ta famille. Comme ça, les choses auraient été réglées. Mais puisque ce n'était pas possible, alors il faut subir ça. Dans un pays musulman, il aurait le droit d'aller à la cour, au tribunal, pour demander de l'aide d'un juge. Hein? Le mieux, ce serait justement qu'il n'habite pas chez ses beaux-parents, parce que sinon, là, c'est compliqué, la relation. Si tu vas aller habiter chez tes beaux-parents, c'est sûr que là, dans ce cas-là, attends-toi à ce que tes droits soient un petit peu bafoués parfois. C'est sûr, parce que tu t'es pas comme... Si tu es un roi, tu vas aller vivre dans le royaume d'un autre roi, ça ne marche pas. Hein? Tu ne vas pas vivre comme si tu étais dans ton royaume alors que tu es dans le royaume de quelqu'un. Si tu veux pouvoir appliquer tes droits, tu veux être le roi chez toi, ben, va chez toi. Hein? Exactement. C'est ça. Il ne peut pas y avoir deux chefs dans une cuisine, deux capitaines dans un bateau, non. Donc c'est pour ça. Si tu vis là-bas, tu dois endurer parfois que certaines de tes, certains de tes droits vont peut-être pas être respectés. Ben non, c'est ça. Et il y en a aussi des fois, ils vont dans des pays, dans leur pays, ils vont aller vivre à côté de la belle famille. Ça, c'est pas tellement recommandé en fait, parce que à chaque fois, la famille de ta femme vont s'immiscer dans ta vie personnelle ou dans tes décisions personnelles, et ça risque d'être un petit peu envahissant parfois. Donc, il faut avoir une certaine distance pour être capable de, hein, d'être assez content de se voir lorsqu'on se visite. Puis de se manquer un peu lorsque ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Mais si on se voit trop, des fois, c'est l'effet contraire. Écoute, les mariages à distance, là, c'est toujours des mariages compliqués. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu es loin de ta femme, tu ne peux pas avoir autant de contrôle que si tu étais présent sur place. Donc, il faut t'attendre à ce que parfois il y ait des choses qui passent pas. Hein? C'est comme tu vas, t'es marié t'es mari, mais par procuration. Parce que là, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi avec ta femme, dans ta maison, avec ta famille. Là, tu gères pas. Donc, il faut pas être trop sévère dans ces affaires-là, ok? Moi, je te dis, si tu vis pas avec ta femme et que tu veux être. Le chef de ton foyer, attends d'être réuni avec ta famille, que vous allez être ensemble pour gérer toutes les choses. Si c'est des questions qui ont rapport avec les ordres de l'islam, les règles de l'islam, alors dans ce cas-là, ton devoir, c'est d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de dire qala Allah, qala Rasulullah et d'expliquer. D'accord? Mais si c'est des questions sur des décisions personnelles par rapport à certaines choses et que tu dis à ta femme certaines choses, maintenant après ta mère ou ton père, ils disent autre chose et que là ça fait des conflits, alors là dans ce cas-là ça devient compliqué. Alors il faut utiliser la sagesse et être patient. Hein? Tu fermes les yeux sur certaines décisions ou sur certaines choses pour un temps jusqu'à ce que toi tu sois présent sur place ou qu'elle soit avec toi et là que tu puisses vraiment gérer bien la situation. Hein? T'as pas le choix d'être patient dans des cas comme ça, yani. Wallahu ta'ala a'lam. Attends, je pense qu'on va arrêter ici parce que sinon on finira plus. Hein? Et les cas et les exemples sont très multiples et limités. Donc on va s'arrêter aujourd'hui. On en reparlera la prochaine fois. De toute façon, le prochain cours, on va faire sur le divorce, inshallah. Donc, ça va être une occasion pour parler de d'autres sujets et d'autres problèmes aussi entre les époux et puis essayer de clarifier ça. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.